Allez, la doublette suivante va nous permettre d'entrer dans l'aspect française avec tout d'abord Exis, cependant signé sur un label français, DB Murmorty Productions donc. Exis, le groupe de Blackening Hardcore qui nous vient du Danemark, qui sort son troisième album Aeternum. Et bien sûr, pour défendre cet album, le groupe se lance une fois de plus dans une tournée marathon de plusieurs mois. Je crois que c'est presque 3 mois en quasi non-stop. Est-ce qu'ils feront comme la dernière tournée, c'est-à-dire certains jours, 2 dates à 2 endroits différents? Seul le calendrier nous le dira. J'avoue que j'ai pas appris la tournée par cœur. Exis, on s'écoutera le morceau Divinitas. Et ensuite, vraiment pour attaquer l'aspect français, Sacral Night, le groupe qui nous vient de Grenoble, qui nous fait du heavy qui dégouline les années 80. Ils sortent troisième album, enfin troisième sortie studio, deuxième album, Le Diadème d'Argent. Il est déjà disponible cet album et on s'écoute le titre Une dernière étoile avant Sirius. C'est parti. On enchaîne ensuite avec le focus de l'aspect française. Tout à fait. Si tu veux bien. Non, je m'en vais. Salut. Donc focus sur un groupe français qui nous vient de Toulouse. Une formation, un groupe qui s'est formé en 2019 qui s'appelle Mourir. Et ils ont sorti, on l'a diffusé en 2020, un album qui s'appelle Animal Bouffe Animal. Ça a été une découverte assez ouf pour moi, ce petit album, parce qu'il durait pas très longtemps, de souvenir, enfin une trentaine de minutes. Mais, c'est cela. Mais une grosse découverte, une ambiance ultra pesante, oppressante et malsaine. Des titres de morceaux absolument géniaux d'ailleurs. Ouais, c'est le morceau Ton univers mental m'ennuie. Enfin, foutu pour foutu, non, moi j'adore. Foutu pour foutu, ouais, non mais il y avait tout le concept autour du groupe, je trouvais ça vraiment, vraiment génial. Et puis je remercierai Axel pour cette découverte, parce que c'est elle qui m'a conseillé le groupe et c'était une très belle découverte. Pour une fois, une bonne idée. Tout à fait. 2022, donc ils nous sortent Disgrâce, leur deuxième album. Une sortie chez... Alors je vais écorcher le nom parce que je suis une bille encore, mais SrotsRunner Records, c'est ça? Presque. Alors, ouais, oui, sinon on peut dire SrotsRunner Records. Ouais. Non, mais si t'étais tout à fait correct. Comparé à Dirge tout à l'heure, c'était tout à fait correct là. Du coup, un label où on retrouve notamment, enfin, où on retrouve des vieux albums, notamment de Fange, de Cowards et de Plebeian Grandson. Donc, bon, voilà le line-up de Mourir. Il y a une partie des membres, enfin, il y a un membre au moins, je crois, de Plebeian Grandson dedans. Et ben, c'est tout simplement le bassiste de Plebeian qui fait guitare chant dans Disgrâce. Dans Mourir, pardon. Dans Mourir. C'est le titre de l'album. Nye. Que dire, côté pochette, moi je suis pas ultra fan du rendu. Je suis pas là... Après, globalement, ouais, je trouvais la position des couleurs en fait et tout le personnage au centre, ça m'a juste rappelé la pochette de Oblige in the Northern Sky de Dark Throne. Tu sais, la dynamique dans le mouvement et tout. Le cadreur pas foutu de cadrer. Ouais, c'est ça. Mais sinon, moi, je l'ai pas trouvé ouf. J'avais plutôt trouvé sympa celui d'avant. Il était très sobre, mais il était sympa. Là, je trouve pas ça dingue. Et musicalement, pour situer Mourir, on est sur un black metal, on va dire, assez moderne globalement. Mais c'est surtout un espèce de truc étouffant. T'as zéro silence, t'as toujours quelque chose qui vibre en fond, qui te noie. C'est toujours des énormes pavés ultra monolithiques que tu bouffes, genre un morceau. Faut pas être en train de digérer une choucroute en même temps, quoi. Et clairement, ça te noie, quoi. T'as l'impression d'avoir la tête sous l'eau pendant les écoutes. Vraiment, ça te coupe le souffle de ouf. Qu'est-ce que je m'en mets un morceau, je me rends pas compte, je suis à peu près. Ouais, allez, un petit morceau. Allez, on peut couper tac pour s'illustrer ça. Donc, extrait de l'album Disgrâce, le titre que l'on va s'écouter. En flamme. In Flames, donc. Oui, tout à fait. Bon, personnellement, j'ai trouvé le morceau, pour moi, le morceau préféré, c'est Bâtard égaré, mais on l'a diffusé. Mais ouais, une ambiance sur En Flamme, t'as une espèce d'ambiance un peu qui est assez horrible, qui est ultra viscérale. J'ai lu un peu le texte, t'es pas bien en lisant le texte, tu te sens clairement un peu agressé, tu vois. Et ouais, c'est un bon morceau, mais ça a pas été mon préféré du coup. Mourir, le titre En Flamme qui bouscule un peu dans son intégrité. doublette suivante dans l'aspect française. Non, t'as dit que tu voulais pas parler tout à l'heure. Non, bah c'est bon. Non, pardon, on revient sur le focus de mourir, pardon. Ouais, du coup, c'est sympa la joie et la bonne humeur, non? Ah, c'est festif, c'est chaleureux. Ouais. Non, bah voilà, ouais, le morceau il est assez cool. Il est résumé, ça parle un peu d'épuisement mental et tout. C'est résumé par une des phrases qui est répétée un peu dans le titre. Je peux pas dormir, je peux pas mourir. Et voilà, que de la joie et de la bonne humeur. Mais c'est le genre de truc, ouais, ça te soulève, quoi. Enfin, ça te noie, plus. C'est très, très, très prenant. Ouais. Que dire dessus ? Bah, c'est ultra malsain. Je vais pas mentir, j'ai quand même beaucoup, beaucoup plus aimé le précédent, qui était plus cru, un peu plus rentre-dedans. Là, c'est vraiment un black metal qui se fait de plus en plus oppressant. Et voilà, je préférais un petit peu l'album d'avant. Mais ouais, t'es sur un pavé de 38 minutes. Et clairement, je faisais des pauses pendant l'écoute, quoi. Parce que vraiment, t'étouffes. Au bout d'un moment, tu te dis, ça, j'en peux plus. C'est 38 minutes, c'est trop pour se bouffer d'un seul coup comme ça. C'est vénère. À côté de ça, ça reste quelque chose qui est vraiment génial. Avec beaucoup de travail, ouais, au niveau de l'ambiance et tout, ça te saisit. Ouais, c'est vraiment. C'est ça, c'est très riche, mais c'est en même temps monolithique, dans le sens où c'est vraiment un énorme pavé musical d'extrême. Exploré, effectivement, aussi bien dans les parties musicales que dans les ambiances globales, que dans le chant, enfin, qui te harcèle tout au long de l'album. Et ouais, c'est ce qui en fait vraiment une expérience musicale, une fois de plus, avec Mourir. Ouais, complètement. Mais vraiment une belle réussite encore pour ce deuxième album. Et on attend la suite, parce que c'est vachement bien. Du live, par chez nous. Par exemple. Doublette suivante dans l'aspect française. Peut-être l'occasion d'y glisser un petit mot. Tu as écouté le Pilori ? Pilori, j'ai écouté quelques extraits. J'en ai fait un focus il n'y a pas très longtemps, donc j'ai pas trop priorisé. Creusé au-delà, ouais. Bah, surtout priorisé dessus, mais de ce que j'en ai écouté, il a l'air encore d'être... Bien, belle tuerie encore. Ouais, puis là, ils se préparent à partir encore pour une petite tournée qui va leur faire traverser quelques pays européens. Quand bien même l'enfer et le déluge s'abattraient sur nous, l'album est teasé depuis quelques mois. Il est enfin dispo chez une pléiade de labels divers et variés, notamment 7 Degrees Records. On s'écoutera le titre Entre chien et loup, toujours ce grindcore crusty rehaussé de black metal sur les ambiances globales. Enfin, voilà, un album des titres rapides, vite expédiés, vite fait tartiner. Et voilà, donc on s'écoutera le titre Entre chien et loup. Et juste avant ça, Mormibun, dans un esprit totalement différent. Le groupe de Pirate Metal qui nous vient des environs de Nantes et de Clisson. Ils sortent là leur second album studio de Charib Dansila. Donc c'est du Pirate Metal, en fait c'est tout simplement l'histoire du navire pirate Mormibun qui est racontée album après album. Et voilà, on est un peu plongé dans le quotidien de la bande qui navigue sur ce bateau. On est presque, je pourrais dire, entre le... Si on se laisse un peu déborder, alors avec de très très gros guillemets, entre la beaufrie et au contraire le truc super intéressant, parce qu'on a cette espèce de picole. Mais maintenant, non, parce qu'on voit vraiment le pirate un peu crasseux, un peu blindé de rhum en permanence, qui raconte son quotidien. Musicalement, c'est super riche, c'est épique et folk, juste comme il faut. Quand il faut que ça tartine, ça tartine. Les ambiances sont super riches. C'est chanté en français. C'est très bien écrit. L'ambiance globale est vraiment super intéressante. Et puis on est loin surtout des trucs ultra guignolesques qu'ont pu devenir Hellstorm au fil des années. Mormibun, on s'écoutera le titre Poursuite en Atlantique, et donc juste après Pilori, Entre chien et loup. Double rangée de dents pour du illogat. Ils ont les dents, on a les gars. la fête, ce temps perdu, on y a chez ton roi. Nous étions chasseurs et non la proie. C'est pas le moment, partie remise. Toi vers le capot, profitons de la brise. Chez nous, le pirate va prendre un poisson d'eau. la suite et la clôture de l'émission dans l'aspect française, ce qui nous reste encore une petite heure à passer encore ensemble. Animalize, Ritualization, Animalize, Meet We're Made Of, groupe de heavy qui nous vient de la scène lyonnaise. On est sur du pur true heavy, enfin tout est là où il faut. Une sortie Dying Victims Production, un label à suivre de très très près, parce que c'est beaucoup de signatures du genre et c'est absolument parfait. Esprit de l'asile, c'est le titre qu'on va s'écouter ce soir. Et juste après, Ritualization, les Orléanais qui nous sortent un nouvel EP. Emma Ignis, Necros, une sortie toujours sur le label Iron Bonehead Productions. On s'écoutera When the Kelly's Runs Over. Et on aura le plaisir d'ailleurs, Ritualization, de les revoir sur scène dans 2 semaines dans le cadre du Muscadès, qui pour rappel a une superbe affiche. Les deux headliners ne sont autres que Marduk et Benediction. Animalize, Ritualization, c'est parti, c'est maintenant. Now! Du néant, esprit de la ville. Et prise de parole suivante dans ce retour au micro de l'ami Thibaut. Troisième et dernier focus dans l'émission de ce soir. D'une formation qui accuse pas mal d'années au compteur et, me semble-t-il, qui est revenue en état de grâce ces dernières années, qu'on voit sur quelques fests à droite à gauche, des fests surtout spécialisés, particulièrement outre-Rhin et au nord de notre belle Europe. Ouais, bah ils sont originaires de, donc on parle de Protector, donc un groupe d'origine allemande qui s'est un petit peu, on va revenir dessus, mais ils ont toute une histoire et ils se sont retrouvés à être en Suède aujourd'hui suite à l'évolution du groupe et tout ça. Bon, un groupe formé en 86, donc on parle d'une époque que les moins de 40 ans ne connaissent pas. De quoi ? 86. Rien, continue. Oui, j'étais pas né en 86. Bah non, t'étais pas né en 86. Mais bon, j'étais pas loin quand même. Non, mais voilà, pour avoir connu le groupe dans ses débuts, fallait être là il y a un petit peu de temps déjà. Oui. On va dire qu'on est désagréable. Huitième album, donc, pour les gars de Protector. Ils nous font un Death Rush qui a pas fondamentalement plus évolué que ça au fil des années, même s'ils ont forcément modernisé leur son depuis les années 80. Un premier album qui s'appelle Golem, qui est sorti en 88. Voilà, c'est du death, ça trachouille bien à l'ancienne comme il faut. C'est bien efficace et je trouve pour le coup que ça a pas si mal vieilli que ça. Faut se remettre dans le contexte de l'époque et tout, mais aujourd'hui ça s'écoute encore super bien. Bah, de l'époque, des premiers autres groupes émergents de la scène allemande, hein, les Creator, les Sodom qu'on avait déjà sorti quelques-uns. Du côté outre-Atlantique, on avait les Demolition Hammer qui faisaient dans ce style-là, les vétérans de Possessed. Et en France, on avait Massacra. Voilà, tout à fait. Et... pour situer. Du coup, je vais essayer de passer rapidement sur la discographie parce qu'il y a à dire quand même sur le groupe. En 89, ils sortent un album qui s'appelle Arm the Maid, si je dis pas de bêtises. J'ai mal noté. Arm the Maid, c'est ça. Un album plus sombre, plus lourd. C'est pas forcément celui que j'ai le plus aimé. Donc voilà, je passe dessus rapidement. 91, A Shining of Skin. Pour moi, un juste équilibre entre le groove et le style du premier, mais avec un apport beaucoup, des gros ralentissements de tempo qu'il y avait dans le second album. Et ben en fait, pour moi, c'est un des meilleurs albums du groupe, tout simplement. Je trouve qu'il y a une pochette qui est plutôt sympa, qui est réussie. Et voilà. Si je peux conseiller un album, celui-là est vraiment chouette à écouter, en tout cas de la première période du groupe. En 93, The Heritage, un son beaucoup moins agréable que le précédent, mais en dehors de ça, il s'écoute assez bien. Et donc on arrive à la pause du groupe parce que jusque-là ils avaient tenu 4 beaux albums et ils vont faire une très grosse pause courant des années 90-2000. 20 ans de break effectivement. Ouais, alors au niveau des albums, ils ont fait 20 ans de break. En fait, ils ont commencé à rebouger un petit peu en 2006. Donc ils font un break de 94-95 si je dis pas de bêtises jusqu'en 2006. Donc grosse pause, reformation du groupe en 2006 où ils commencent un petit peu à bouger, à refaire un petit peu de live et tout ça. Et surtout, donc le Martin Missy, qui est un petit peu la tête pensante aujourd'hui de la reformation du groupe, il a tenu un groupe de cover pendant ce temps-là, en fait, de 2006 à 2011. Il a tenu un groupe de cover, donc du groupe dans lequel il était. Et en 2011, il reforme réellement le groupe sous le nom Protector pour une première sortie d'album, donc sous la renaissance du groupe en 2013. Sous le renom. Voilà, je sais pas si c'est clair, hein, mais voilà, il y a toute une histoire, mais en gros, une pause. Il y a un des membres du groupe qui relance le groupe en 2011. 2013, donc Reanimated Homolonkus, reprise complètement réussie. Hein, vraiment, ça te met une grosse claque. C'est le retour et ils étaient pas là pour. Ils avaient encore des trucs à dire. C'est un album que j'ai beaucoup beaucoup aimé également. 2016, Cursed and Coronated, c'est ça, Coronated, réussi et dans la continuité du précédent. Rien à dire dessus, les pochettes sont sublimes de ces deux albums. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé cette période-là. 2019, Summon the Hordes, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà la pochette, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, T'as un crâne, t'as deux guitares sur le truc, y a rien qui va sur la pochette. C'est le métal. Ah, elle est immonde la pochette, musicalement, y a pas grand chose à en tirer. Passez l'album, clairement, passez-le, ça sert à rien. Et donc on arrive en 2022, Excessive Outburst of Depravity. Déjà une super belle pochette, moi j'ai beaucoup aimé. C'est pas la pochette de l'année ni rien, mais je l'ai trouvé sympa. Je trouvais qu'elle avait voilà, une espèce de cohérence assez détaillée. Mais il n'y a pas de guitare ni d'éclair. Mais ouais, déjà. C'est dommage. C'est ça. Et pour revenir là-dessus, bah justement, musicalement, on retrouve, ouf, l'ambiance des albums de 2013 et de 2016, parce que vraiment, 2019, c'était nul. Et bah, ça groove de ouf. C'est beaucoup plus riche, avec un son qui est vraiment nickel. C'est hyper équilibré. Enfin, moi, j'ai vraiment, vraiment passé un bon moment dessus. Et bah, on en prend plein la tronche pendant toute la durée. T'as un style... Pour moi, tu vois, c'est pas vraiment mon style de prédilection, parce que le thrash death, c'est vraiment un style qui est... Voilà, j'y trouve pas facilement mon compte dedans. Et bah là, je l'ai trouvé super cool, cet album. Ça fonctionne très très bien. Voilà. Bah voilà, les présentations ont été généreusement faites. Protector, Perpetual Blood Oath, c'est le titre qu'on va s'écouter ce soir. D'ailleurs, pourquoi ce morceau ? J'ai bien aimé le morceau. C'est un des morceaux qui est ressorti assez naturellement. Puis il est assez représentatif de la globalité de ce que tu vas trouver dedans. Donc voilà, petit morceau qui n'a rien de particulier, si ce n'est d'être bien. Très bien, donc extrait de l'album de Protector, Excessive Outburst of Depravity. Une sortie High Roller Records, pareil, un label à suivre de très près, tout comme Dying Victim Production. Et on s'écoute donc l'extrait pour illustrer ce beau focus de Protector. Yeah, Force Master. We'll be right back. Retour à la diff un peu plus classique après ce beau créneau focus autour de Protector avec la doublette suivante et de nouveau l'ami Thibaut pour lâcher 2-3 mots. The Halo Effect et Grima. J'imagine que c'est plutôt autour de The Halo Effect. Ouais, tout à fait. C'est juste à dire. Pour conseiller l'album. Quoi. C'est une petite petit guillemets super groupe fondé sur les cendres de In Flames. Enfin, sur les cendres. Sur les... Allez hop là, sur... le groupe est enterré. Pardon. Non, sur le... Comment ? Dans la traînée de ce qu'a pu être In Flames. C'est un groupe qui est reformé avec des anciens membres. Pour moi, clairement porté par le chanteur... dont j'ai oublié le nom. Michael Stein. Merci. Qui est le chanteur de Dark Tranquility. Qui est complètement incroyable au niveau de sa voix. Enfin, moi, c'est quelqu'un que j'adule assez ouvertement parce que je trouve qu'il a une voix incroyable. Et sur scène, c'est un monstre. Il dégage une énergie qui est. Une prestance terrible. Ouais, puis c'est ultra positif en fait. Tu ressors du concert, t'as vraiment un truc qui a marché et tout. Et voilà. Et ce petit album là de Halo Effect, bah, il est vachement cool. On retrouve un In Flames de la seconde période d'In Flames, on va dire. Donc tout ce qui va... Alors j'ai pu, c'est de Clayman à peu près, tout aussi de Clayman jusqu'à comme Clarity, en gros. Le Death Mellow Mellow. Ouais, voilà, du Death Mellow Mellow, mais qui n'était pas encore aussi gros guillemets sirupeux. Pop, on va dire. Que chiant. Ouais. On va pas dire de mauvais mots, mais on va dire plus pop. Et du coup, il est cool cet album. Il est vraiment sympa à écouter. C'est pas l'album mélo de l'année, encore une fois, mais il est vachement chouette. Days of the Lost, donc une sortie Nuclear Blast signée The Halo Effect. Feel What I Believe, le titre qu'on va laisser écouter ce soir. Et juste après ça, Grima, groupe d'atmosphérique black metal qui nous vient de Russie. Frostbitten, c'est le nom de leur cinquième effort studio. Il est déjà disponible, on s'en écoutera l'extrait Hunger God. C'est parti. Let's do this.